encore la passion, la joie et le bonheur. C'est quand on parle de Jésus, les divins sauveurs, les âmes sont enflammées. Alléluia. Plein succès à Jésus, à Jésus, à Jésus. L'homme le plus chanté reste toujours Jésus. La grande chanter reste toujours Jésus. La grande vérité. Son nom est comme la manne et ne pourrit jamais, alors que d'autres noms périssent dans l'histoire. Mais le nom de Jésus garde toutes ses vertus, de l'Antiquité au Moyen-Âge jusqu'à ce soir. Plein succès à Jésus, à Jésus, à Jésus. L'homme le plus chanté, c'est qui? Reste toujours Jésus. Ne parle en bien de son ennemi, mais avec Jésus-Christ, c'est une autre histoire. L'enfer est son chef, élève le fils de Dieu. Plein succès à Jésus, à Jésus, à Jésus. L'homme le plus chanté. Avions. Et Jésus reste pour eux le grand aéroport. Ils finissent par y descendre et chanter ses merveilles. Oui, Jésus est la fin du discours. Plein succès à Jésus, à Jésus, à Jésus. L'homme le plus chanté reste toujours Jésus. Amen.